L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Quatrième épisode. Oh, comme j'ai envie de te gifler, jusqu'à ce que tes joues s'enflamment. Vous sentez bien ici chez nous. Dans ce cas, si tu es un homme d'honneur, te faudra mettre fin à tes jours. Et tout ça pourquoi? Parce que je te plais pas et que tu refuses de me suivre dans ma chambre. Tu peux peut-être défier ton oncle, mais pas moi. Je vous prie de me laisser rentrer chez moi. Bien sûr, demain matin. Maintenant. Mon oncle ne m'a pas vraiment donné la permission de venir. Contre ma volonté, tu as décidé de t'éloigner de moi ce soir. Eh bien, va et assume cette décision pour le restant de ta vie. Ton oncle, dévoué et loyal, Jacob. Je me demande ce que va dire ton ami Mac quand je lui raconterai tout ça. Sur la route de Ramsès. Seul au monde, Karl Rossmann marche en direction de la ville de Ramsès, dans l'état de New York, que ni lui, ni vous, ni moi ne trouverons sur une carte. La route commence à monter, et quand de temps en temps il s'arrête, il peut admirer en contrebas le vaste panorama de la ville de New York et de son port. Le pont qui relie New York à Boston est suspendu au-dessus du fleuve Hudson et tremble quand Karl cligne des yeux. Curieusement, il apparaît dépourvu de toute circulation, avec en dessous de lui le long ruban lisse de l'eau. Tout ce qu'il est possible d'apercevoir des deux grandes métropoles côte à côte, New York et Boston, semble vide et inutile. Bon, allez, là-dedans. Il n'y a pas d'autre chambre ? En plein milieu de la nuit ? Vous avez déjà de la chance d'avoir trouvé quelque chose dans ce trou perdu. Tu y vois quelque chose ? Il n'y a pas de lumière. Je tâtonne. T'as au moins trouvé un lit, Rossmann ? Même deux, Rossmann. Formidable. Un pour toi, un pour moi, ton alter ego fidèle. Tous les deux sont déjà occupés. Merde. Deux personnes. Ils dorment tout habillés. Il y en a même un qui a gardé ses bottes. Il n'y a pas d'autre lit ? Un canapé, peut-être ? Rien. En tous les cas, il vaut mieux ne pas dormir. Avec ta valise que tu viens de récupérer et l'argent que tu as sur toi, fais gaffe, Karl Rossmann. Tu es en Amérique. Je ne sais même pas si le contenu de ma valise est encore intact. C'est Choubal, le Roumain, qui l'a rendu. On connaît bien ces Roumains. Et alors ? Tout est là, il me semble. Passeport, argent, la photo de mes parents, ma casquette. Même le salami de Vérone que ta mère a glissé dedans ? Oui, il a parfumé toutes mes affaires. Et même cette photo de mes parents. Avec ton papa ? Debout, un peu raide comme d'habitude, ta maman un peu repliée sur elle-même, elle donne l'impression de se forcer pour sourire. Il y en a une autre sur laquelle on me voit avec mes parents. Ils me regardent de manière fixe, tandis que le photographe me demande de ne pas bouger et de rester concentré sur l'objectif. Elle est où cette photo ? Ils ne me l'ont pas confiée. Ils m'ont permis d'emporter celle-ci où ils sont tous les deux. Assez, je vais tâcher de dormir un peu. Mais ne laisse pas traîner tes affaires sur la table comme ça. Si tes colocataires sont bien des voleurs, ils n'auront qu'à se servir. Ils n'ont pas l'air d'être des voleurs. Des clochards, plutôt. Sales, mal rasés, les cheveux en désordre, apparemment pas coupés depuis longtemps. La preuve d'un sommeil très agité. Bonjour. Je me présente, je suis allemand. Je m'appelle Karl Rossmann. Surtout, ne soyez pas abusé par la qualité de mes vêtements. En réalité, je suis pauvre et sans perspective pour mon avenir. Comme nous devons partager la même chambre dans cette auberge, je souhaiterais connaître vos noms et vos nationalités. Celui qui ronfle là s'appelle Robinson. Il est irlandais. Moi, je suis de la marche, français. Maintenant, je vous demande de vous taire et de nous laisser dormir. Hein. Oh. Bon sang, un Irlandais. Méfie-toi des Irlandais. Il va falloir que tu le surveilles de près. Il a une meilleure tête que le français, quand même. Ne t'en fais pas, tout va bien. Jusqu'à présent. Tu regardes toujours la photo de tes parents ? Ton trésor ? Tu as le mal du pays ? Non ! Pourquoi ne pas leur écrire une lettre après tout ce temps ? Le jour où ma mère m'a annoncé que le lendemain je devais partir pour l'Amérique, je me suis juré de ne jamais leur écrire. Tente le coup quand même. Et pour leur raconter quoi ? Par exemple, que tu es devenu général dans la milice américaine. Et cela seulement au bout de 2 mois dans le pays. Plutôt admettre que je me trouve actuellement dans une mansarde d'auberge sordide dans les environs de New York, en compagnie de 2 clochards inconnus et puants. Mais pourquoi vous me chatouillez ? Pour vous réveiller. Il est bien temps. Est-ce qu'il y a un moyen de se laver ici ? Se laver ? Ça alors ? Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Dans la vie ? Nous sommes tous les deux mécaniciens, au chômage. On a cherché du boulot à New York, mais il n'y en a pas. Pour nous deux, en tout cas. Donc, on va à Butterford. À Butterford ? Petite ville à 2 jours de marche de New York. On a entendu dire que là-bas, on embauche des ouvriers. Moi aussi, je cherche du travail. Est-ce qu'il risque d'y en avoir pour moi, à Butterford ? Du travail pour vous ? À Butterford ? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Robinson ? À Butterford ? Vous avez qu'à venir avec nous pour voir. Avec vous ? Non, je comptais plutôt y aller tout seul. Si vous venez avec nous, vous serez mieux protégé et bien conseillé. Si nous, on trouve du travail, on peut tâcher de vous obtenir une place d'apprenti. Apprenti ? Vraiment ? Et en plus, on peut vous aider à porter votre valise. Chacun son tour. Mais pour cela, il faut d'abord quitter votre beau costume. Mon costume ? Ce serait plutôt désavantageux de chercher du travail habillé en costume de luxe. De peu chez vous, enlevez-le. Vous avez de la chance, la patronne de l'auberge tient aussi une friperie. Elle va sûrement être très intéressée. Mais mon costume... Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous allez faire une affaire. Voilà, merci. Tu aurais dû au moins réfléchir un peu quand même. Ton meilleur costume, offert par ton oncle ? Regarde comme ils sont contents. Ils ont sûrement fait une affaire. Et toi, habillé maintenant plus ou moins comme eux. Excusez-moi. En fait, mon costume, alors... Costume ? Ah oui, votre costume. Vous savez, la patronne de l'auberge est très avare. Robinson a marchandé avec elle jusqu'à épuiser tous ses arguments. Robinson, donne ce que nous devons à Rossman pour la vente de son costume. Tenez, Rossman. 50 cents ? Un $0.50 ? Le costume en vaut au moins 100 fois plus ? Oh, les gars ! Il y a les Transports Jacob qui embauchent des dockers pour travailler dans le port de New York. Vous voulez monter ? Transports Jacob ? C'est l'entreprise de ton oncle ? Jacob, pas question. Va te faire voir ! Connard. Pourquoi vous vous cachez derrière moi, Rossman ? Quelque chose vous fait peur ? Non, non, c'est rien. Les Transports Jacob, Rossman, il faut les éviter comme la peste. Ils ont très mauvaise réputation aux États-Unis. N'oubliez jamais ça. Ouf. Transports Jacob, t'as eu chaud. Écoutez, vous m'aviez promis de m'aider à porter ma valise chacun à votre tour. J'en peux plus, moi. Je voudrais bien, c'est juste qu'elle est très lourde. Il faudrait l'alléger un petit peu. Comment ça, alléger ? Disons que ce gros morceau de salami que j'ai vu quand vous avez ouvert la valise, il doit être assez lourd. Le salami de Vérone que ta mère a glissé dedans pour une grande fin éventuelle. Ne le fais pas. Tenez. Ah, oui. Fais voir ça. Hey. Mais quoi, c'est moi qui ai le couteau de poche pour le trancher. Une petite tronche, s'il te plaît, de la marche. Et toi, tu n'as droit à rien. Merci. Tu n'arrives même pas à mendier un bout de ton propre saucisson. Et depuis le début, c'est toi qui portes ta valise. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de force. En fait, je ne veux pas quitter New York. New York est au bord de la mer. En restant, j'aurai toujours la possibilité de rentrer chez moi en Europe. Allez, marchez. Oubliez New York. Oui, Rossman. Butterford est beaucoup plus beau que New York. Attendez-moi. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je veux revenir à New York. Je n'y suis resté que 2 mois et je n'ai presque rien vu de la ville. Écoutez, dès qu'on aura gagné assez de fric à Butterford, ce qui va pas tarder parce qu'il manque de main-d'œuvre et que le travail est bien payé, on reviendra tous les trois à New York et on visitera tout ce qui vaut la peine d'être vu, c'est promis. Et si jamais on ne trouve pas de travail à Butterford, on continuera à pied jusqu'en Californie pour devenir chercheur d'or. Il y a encore de l'or en Californie ? Il paraît. Et combien de temps nous faudrait-il pour gagner assez d'argent à Butterford avant de pouvoir retourner à New York ? Environ 1 mois. Et pour vous prouver que nous sommes devenus de vrais amis, on va faire caisse commune pour écarter la possibilité de disparité dans nos salaires. La fraternité de l'égalité en toute liberté. Oh, écoutez, dans le journal, ils disent que la grève des ouvriers dans le bâtiment est pas prête de se terminer. Vous voyez, Rossmann, pas la peine de songer à trouver du travail à New York en ce moment. Le plus grand entrepreneur, Mr. Mac, risque de voir son entreprise rencontrer bientôt de grosses difficultés. La grève lui coûte des millions. Mr. Mac, c'est de perdre un ami. Ah bah, je lui écrirai un mot de condoléance si j'étais vous. Regarde comme il baffre. Et toi, Karl Rossmann, tu n'as même pas touché à ton repas. Et la question de l'addition n'est toujours pas réglée. Il serait juste et équitable pour chacun de payer sa part. Eh bien, gentlemen, qui va payer la note ? Surtout, ne te laisse pas faire. Ce monsieur. Oui. Alors, jeune homme ? Un instant, s'il vous plaît. Rossmann, évite de montrer où tu planques ton argent devant tout le monde. Fouille discrètement sous la table, dans ta poche secrète, et sors la monnaie pièce par pièce. Surtout, ne montre pas tout, juste ce qu'il faut. Tu en as sorti beaucoup trop. Après 2 mois passés en Amérique, tu ne sais toujours pas gérer la monnaie américaine. Là, tu as mis presque 1 livre sterling sur la table. Beaucoup trop, imbécile. Bon, on va passer la nuit ici. Ici, sur l'herbe, au bord de la route ? Mais pourquoi pas ? Il me reste encore assez d'argent pour nous payer une nuit d'hôtel à tous les trois. On va en avoir besoin de cet argent par la suite. Gardez-le soigneusement. Il n'en fait même plus mystère. Malgré tout, on va avoir besoin de prendre des forces pour notre longue marche de demain matin. Il nous faut un vrai repas. Quelqu'un doit aller chercher à manger à l'hôtel, là, au bord de la route. Hôtel Occipital. Occidental, abruti. Quelqu'un doit aller chercher le repas ? Devine qui ? Il consiste en quoi exactement ce vrai repas ? Du lard, du pain et de la bière. Merci. Il me faut du lard, du pain et de la bière à emporter pour 3 personnes. Rien d'autre ? Non, merci. C'est un repas de prisonnier ? Vous allez le manger où ? Dehors, sur la pelouse au bord de la route, là où on va dormir. Et pourquoi dehors ? Nous avons de la place ici à l'hôtel, vous pouvez dormir tous les trois ici. Vous voyez, madame, mes amis sont des garçons sympathiques, mais... Mais ? Mais ils sont pas forcément très propres. Ici, on accepte toutes sortes de saletés. Je vais vous préparer des lits sous les toits. Non, je ne peux pas les amener ici, c'est impossible. Bon, d'accord. Ah, pour vous seul, alors ? Vous, vous êtes bien propres. Je ne peux pas abandonner mes camarades. Regarde, Rossmann. Ta valise, elle est grande ouverte. Et voilà toutes tes affaires répandues un peu partout sur l'herbe. Pourtant, je l'avais fermée à clé. Et la clé est toujours dans ma poche. Oh ! Debout ! Pendant que vous dormiez, quelqu'un est venu me voler mes affaires. Il vous manque quelque chose ? Vous êtes parti trop longtemps. L'hôtel est à quelques pas d'ici et vous, vous mettez 3 heures pour faire l'aller-retour. Oui, pendant qu'on vous attendait, on a eu très faim. En plus du salami de cet après-midi, on pensait qu'il y avait encore de la nourriture dedans. Alors on a très gentiment convaincu la serrure de votre valise de s'ouvrir. Pour le reste de son contenu, il n'y avait rien d'intéressant. Vous pouvez tout remettre en place. Regarde comme il est énervé. Énervé ? Vous trouvez ça bien de forcer la serrure de ma valise ? Fouiller dedans et tout éparpiller sur l'herbe ? Je sais bien qu'entre bons camarades, il faut prendre sur soi et accepter certaines contrariétés, mais il y a quand même des limites. Alors je dors à l'hôtel cette nuit. Et demain matin, je ne vais pas avec vous à Butterford. Alors maintenant, dépêchez-vous de manger, je dois rapporter le panier. Tu vois, Robinson, comme on parle aux gens dans ce monde. C'est un Allemand, qu'est-ce que tu veux ? Ouais. C'est vrai qu'au début, tu m'avais dit qu'il fallait se méfier de lui. Mais moi, toujours gentleman, j'ai insisté pour l'emmener avec nous. Pour son bien. Toute une journée, on lui a accordé notre confiance. Et tout d'un coup, il nous laisse tomber et va dormir à l'hôtel. En plus, en faux petit Allemand qu'il est, il prétend que tout cela est à cause de sa valise. Et comme il n'est qu'une vulgaire choucroute grossière, il se sent obligé d'attenter à notre honneur en nous traitant de bandits. Simplement parce qu'on lui a fait, avec sa valise, une petite plaisanterie. Vos injures facilitent mon départ. Je sais très bien ce qu'est la camaraderie. J'avais beaucoup d'amis en Europe. Et jamais aucun ne m'a accusé d'être déloyal. Et vous, messieurs Robinson et Delamarche, prétendez que je vous trahis alors que vous m'aviez promis de m'aider à trouver une place d'apprenti à Butterford ? Non, Il s'agit de tout autre chose. Vous ne vous intéressez qu'aux maigres biens que je possède, et pour cela, vous avez forcé la serrure de ma valise. Le dernier cadeau de mon père, et en plus, vous m'insultez. Fais attention, ils vont te casser la figure. Écoutez, petit Fritz, depuis ce matin, vous profitez de nous, de notre expérience, de notre savoir-faire. Et d'un coup, vous êtes accueillis à l'hôtel et vous nous abandonnez? Eh bien, à prendre à nos côtés a un coût. Nous exigeons une rétribution pour tout cela, n'est-ce pas, Robinson? Notre patience a quand même des limites, hein? Excusez-moi, je vous cherche depuis un moment déjà. Madame la chef cuisinière de l'hôtel veut que je récupère son panier. Le voici. Merci. Madame la chef cuisinière souhaite savoir si vous avez décidé de passer la nuit à l'hôtel ou non. Ces deux messieurs sont aussi les bienvenus. Les lits sont prêts. Si vous choisissez de dormir ici, dans l'herbe, sachez qu'il y a des serpents. J'accepte. Je ramasse mes affaires. Regarde. Robinson et Delamarche attendent que tu les invites aussi. Où est ma photo? Quelle photo? La photo de mes parents qui étaient dans la valise. Nous n'avons pas vu de photo. Cette photo est plus importante que tout le contenu de cette valise. C'est la seule photo de mes parents que je possède. Pas de photo, cher monsieur Rossman, je vous le jure. Je donne toutes les affaires contenues dans cette valise à celui qui me rend cette photo. C'est ma dernière offre. Voulez-vous que je les fouille? Oui, faites-le s'il vous plaît. Rien. Je crains qu'il n'ait déchiré la photo et jeté les morceaux sur la route. Donc rien à faire. On y va? Écoutez, messieurs. Si vous m'apportez cette photo à l'hôtel, vous pourrez garder la valise et son contenu. Et je ne vous dénoncerai pas à la police, je le jure. Je suis toujours là. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zayn Meyrowitz. Quatrième épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Alain Fromager, Delamarche, Valérie Moinet, la chef cuisinière. Et Julien Aluguette, Gilda Albertoni, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Nicolas L., Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Vilgar, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissans, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zand.